Bonjour. Il y a eu un dernier entretien avec David Lévesque que je mettrai le lien dans la description. Je l'ai mis dans la description du dernier live, du dernier direct. Mais bon, probablement que le dernier direct, il s'affiche pas encore sur la chaîne. Donc, bon, tant qu'à faire une vidéo, ben je vous mettrai le lien. Maintenant, pendant le live, il y a des gens qui sont venus me parler du « Ah, il y en a un qui a fait une vidéo sur toi. » Puis c'est quelqu'un que j'étais déjà allé voir parce qu'il y avait eu une chicanerie par rapport à des choses là, un petit peu disgracieuses qui avaient été dites sur des dames en France. Puis j'avais vu ça vite fait. Puis finalement, bon, l'affaire, c'est que je suis pas explicite dans aucun titre. J'ai regardé un petit peu les vidéos. Puis bien franchement, avec vous, j'ai pas la patience de regarder ça au complet jusqu'à la fin, là. Hein? Donc, bon. J'ai écouté une vidéo sur Bernard de Montréal, celle où il dit on va parler d'un dinosaure, Bernard de Montréal. Puis il en déduit des choses comme par exemple le fait qu'il y a des blancs quand Bernard y attend. Par rapport à la vibration, ceux qui le savent, ben des fois il y a des petits délais. Ça arrive. Puis bon, puis là il en déduit que Bernard canalise des morts, qui canalise l'astral. Bon, Bernard, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos d'enregistrement. C'est quatre phases différentes qu'il a eues au cours de son expérience. Puis, bon, c'est certain que si on regarde comme ça au niveau d'une surface, bon, ça peut ressembler à ça. Mais l'affaire, c'est que, bon, ben, c'est pas ça. Dommage, là, désolé. De toute façon, au niveau de l'astralisation, puis des gens qui sont en contact avec des morts, les plus flagrants, bon, en tout cas, à un moment donné, c'est ceux chez qui c'est inconscient, c'est-à-dire ils ne savent pas. Ils savent pas qui canalise des mémoires mortes. Puis c'est ces gens-là qui sont beaucoup plus dangereux que quelqu'un comme Bernard qui avait quand même un sens critique au niveau des phénomènes psychiques, puis qui a toujours dit au monde de ne pas croire, qu'il faut pas croire. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est dans l'assertion, qui a pas de contenance, qui gesticule beaucoup, qui est très, très nerveux, un peu comme un enfant hyperactif. Ben, en fait, disons un enfant qui n'extériorise pas assez son énergie dans sa vie de tous les jours. Ça devient très pénible à écouter. Ça devient très pénible à écouter parce que ces grimaçages-là, cette gesticulation-là, cette espèce d'aspect survolté au niveau nerveux qui fait que, bon, finalement, c'est un babillage incessant. On est presque, on pourrait dire, bon, on est surtout dans la définition à partir d'autrui, dans le sens que ce que j'ai vu, les vidéos que j'ai vues, c'est surtout par rapport à du matériel d'autres personnes. Donc, j'ai rien contre l'esprit critique, c'est correct. Mais bon, Bernard, on ne peut pas survoler comme ça, c'est complexe. Le cas Bernard Boucher, en tant que sujet à effet psychique, est assez complexe. Puis, comme je dis, il y a différentes phases. Il y a eu quatre phases importantes. Puis, bon. Puis, Bernard lui-même est revenu sur des choses qu'il avait dites. Et lui-même, il a défait des formes qu'il avait amenées. Donc, bon, c'est difficile d'être objectif. Puis, c'est normal, les gens ont le droit d'avoir de leur opinion de surface, comme ça. Ça a été à peine effleuré. Mais bon, moi, je n'ai pas la patience là, d'écouter, de scruter tout, d'écouter tout. Je suis pas capable. Puis je l'avais dit pendant le live, j'ai dit, ben, ce gars-là, j'ai de la misère à l'écouter. Il est beaucoup trop nerveux. Cette espèce de gesticulation nerveuse, ce grimaçage, c'est du grimaçage, là, à un moment donné. Puis bon, ben, c'est de l'entertaining, si on peut dire. C'est pour être divertissant, possiblement. Puis ça fonctionne toujours, ces choses-là. Moi, ce que je vous dis, c'est de plus m'achaler avec du monde comme ça. De plus m'en faire part. Peu importe. Peu importe ce qui est dit. Puis pourquoi? Parce que, dans le fond, moi, ça me disait de ne pas aller voir. En plus, pas des morts, hein. Je parle pas de des morts quand je dis ça. Parce que lui, il pourrait déduire ça. Ben, c'est des déductions assez simplistes, hein? Assez rapides. Non, c'est au niveau d'un ressenti assez profond de ne pas m'en occuper. Puis j'ai essayé d'écouter. J'ai essayé d'écouter, mais ça m'a fait le même effet que des enfants qu'il faut surveiller ou qui sont énervés. Je veux dire, c'est pénible. Je trouve ça pénible. Donc, bon, moi, ce que je dis, c'est que je n'ai pas l'intention de me soucier de ça. J'ai pas la patience non plus. J'ai écouté un peu la vidéo, il se montre critique de Bernard de Montréal. J'ai été capable de faire 4 minutes. Puis, bon. Désolé, là, mais non. On n'a pas à en tenir compte. C'est-à-dire que il est question ici d'une critique de quelque chose qui n'est pas l'objet réel de la critique. Dans le sens que, bon, on pourrait dire, il parle à travers son chapeau, comme on dit aussi. Donc, écouter quelqu'un qui parle à travers son chapeau d'une façon aussi nerveuse, en gesticulant comme ça, en grimaçant comme ça, c'est trop pénible, j'y arrive pas. Désolé. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez calme, puis d'assez tranquille, puis c'est pas pour rien que je suis calme, je suis tranquille, c'est ce qui correspond à ma nature. Puis lui, ben, sa vibration, je la trouve pénible. Je trouve ça pénible. C'est déplaisant. Pas dans le sens que ce qu'il dit fait pas mon affaire. Dans le sens de cet état d'être-là, que j'ai déjà vu des gens comme ça. Puis non. Mais déjà là, habituellement, dans ma vie de tous les jours, un bonhomme qui se teint les cheveux, je parle pas à ça. Donc, je vais pas me mettre à écouter ça, là. Donc, par rapport à ce qui peut être dit sur moi ou des vidéos qui peuvent être faites par d'autres, pendant les lives, ce serait peut-être mieux de prendre l'espace qu'il y a dans le live où vous pouvez écrire, puis il peut y avoir un échange pour parler des choses plus intéressantes, des choses plus pertinentes que ça. Parce que là, si on se met à commencer à vouloir répondre à ça, ça n'a même pas lieu d'être. Parce qu'au fond, il y a une certaine incompréhension, semble-t-il, une certaine opinion traitée aussi. Donc, on ne parle même pas des mêmes choses. Puis le débat va être rien d'autre qu'une intersubjectivité infertile qui servira à rien. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est par rapport à certaines choses qui se font en France. Les Français ont, bon, ils ont une longue tradition jusqu'à un certain point de révolte contre la spiritualité, puis c'est correct. Je parle au niveau des formes subjectives, collectives, entre autres. Donc, qu'ils fassent leur affaire au niveau, bon, par rapport à certains sujets, là, par rapport à la métapsychique, certains phénomènes psychiques, puis qu'ils fassent leur affaire entre eux, puis on va faire les nôtres. Mais là, j'ai des correspondants en France, j'en ai en Suisse, j'en ai un. Je veux dire, mais habituellement, c'est des gens souvent qui ont plus de 60 ans. Je veux dire, pour qu'il y ait un certain niveau d'échange, j'avoue que des fois, je suis obligé d'être plus sélectif un petit peu. Donc, bon, c'est correct, mais c'est pas le genre de personne avec qui je peux échanger parce que c'est pas constructif. Au niveau de l'exercice de la parole, il y a certaines choses qui, semble-t-il, ne sont pas comprises, ne sont pas vues par rapport à le phénomène là, Bernard à Montréal. Puis donc, on tombe dans la surface, c'est une critique de surface au niveau de la forme perceptible de ce qui a été laissé. C'est très différent, par exemple, comme, bon, dans mon cas, c'est un petit peu une affaire de famille, dans le sens que la mère de mon père a été un petit peu dans ces choses-là, ensuite mon père, puis après, par après. J'ai côtoyé des anciens séminaristes, j'ai échangé avec des anciens séminaristes, des gens qui l'avaient connu, Bernard, puis bon. D'ailleurs, qui sont de plus en plus rares, là, les séminaristes, parce qu'il y en a qui décèdent. Il y en a même un qui avait à peine 46 ans, là, qui était quand même assez jeune, qui est décédé, mais que je suis content d'avoir connu. Je veux dire, c'est important jusqu'à un certain point d'avoir vu au-delà du phénomène social, puis d'avoir pu échanger d'une façon directe avec des gens qui ont réellement été séminaristes. Puis aussi, les manifestations de certains phénomènes, bon, de pas se fier nécessairement à ce qui a été public. Parce que le supramental au Québec, puis là je parle au Québec, c'est un peu comme c'est un iceberg. Dans le sens que il y a beaucoup d'expériences qui n'ont jamais été rapportées ou qui n'ont jamais été parlées publiquement. Puis même au niveau de Bernard de Montréal, il y a des choses, moi, qui m'ont été rapportées par des gens qui avaient côtoyé des cercles un petit peu plus restreints, des choses que Bernard n'a jamais dit en public. Mais pourtant, en tout cas, il y a même des écrits inédits. Il reste des écrits inédits, il reste plusieurs choses. Donc, attention, puis là, de parler à un dinosaure, bon, c'est tout de suite dans le péjoratif, là, puis là, regardez le petit Bernard, tout de suite, dans le diminutif, c'est une réaction qui est pas surprenante, dans le sens que c'est certain quand on voit Bernard de Montréal en habit avec son nœud papillon dans un fauteuil un peu genre Renaissance, puis c'est certain qu'il va y avoir une réaction de un petit peu le descendre de son piédestal, mais c'est parce que là, on reste dans la surface du psychologique, puis de certaines mécaniques que je considère comme très subjectives. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que plus ça va aller, ben là, plus c'est comme faire des vidéos sur YouTube, je ne ferai pas ça toute ma vie. Le supramental, à un moment donné, surtout le phénomène comme il se manifeste au Québec, va falloir être plus underground. Un petit peu plus underground. Surtout qu'on commence à voir poindre des phénomènes, en parler publiquement, ça risque de créer des problèmes. Donc, je vais regarder ça tranquillement. Comme pour l'oiseau moqueur, bon, il n'y a pas Skype, il voudrait que je l'appelle à son numéro de téléphone, mais je suis d'une certaine pingrerie et j'ai pas envie de payer. J'ai pas envie de payer des frais. Puis, c'est pour ça que j'aimais Skype, parce que il n'y a pas de frais, on peut se parler longtemps, puis il n'y a pas de frais. Puis en plus, j'aime ça voir mon interlocuteur. Parce que, bon, il y a certaines subtilités que c'est lié au langage corporel, entre autres aussi, ça va mieux. Pour saisir l'ensemble de la vibration d'une personne, j'aime autant aussi avoir un visuel. Donc peut-être que je vais créer un compte Skype au nom de mon pseudonyme, Berthold. Il y a Dark Emist est plus ajusté. Je la trouve plus ajustée, puis plus. C'est mieux. C'est mieux. Hein. C'est moins. Bon. Disons que il y a des choses qui vont bien, qui s'améliorent. Vous savez, le but, entre autres, de l'intégration, c'est pas de régler les problèmes. Ça va être de passer à travers, parce qu'il y a des problèmes qui se régleront pas avant d'avoir atteint leur pleine grosseur, puis de s'être exprimé, puis parce que, qu'on le veuille ou pas, on est prisonnier du collectif. Donc, il y a des problèmes qui sont collectifs, puis on les subit au niveau de notre individualité à cause du contexte. Mais en tant qu'individualité, on ne peut pas régler ça, on ne pourra pas. Il y a des choses que la masse a à vivre, il y a des choses que les sociétés ont à vivre, semble-t-il. Puis il va falloir qu'ils en souffrent pour l'intégrer. Certaines réalités. Puis en tant qu'individu, il y en a beaucoup qui vont me reprocher, bon, que je chiale, je mets des choses en lumière, mais j'amène pas de solution, il n'y en a pas. Il y a des problèmes qui ne se régleront pas. Des problèmes collectifs qu'en tant qu'individualité, on ne peut rien faire. Donc le but, c'est pas de régler les problèmes. Ça va être de passer à travers. À un moment donné, il y avait Marc de la Salle qui avait fait un enregistrement, puis il voulait que je l'écoute. Puis David Lévesque me l'avait envoyé. Il sait que j'ai une certaine pingrerie, puis bon, ils étaient peut-être pas sûrs que je l'achète. Fait que pour être certain que je l'écoute, je l'avais eu gratuitement, cet enregistrement-là. Il parlait les survivants, les nouveaux initiés, puis les survivants. Okay, bon. Là, si on tombe au niveau de la forme, on peut être critique, mais par rapport à ce qui avait été dit, c'était très ajusté, puis à mes yeux, c'était vraiment ajusté. Vraiment, il mettait le doigt sur des choses, puis c'est pour ça que il a beaucoup été parlé par Bernard, entre autres par d'autres, les survivants. Les survivants, ceux qui vont rester après. Parce que le but de l'intégration, ce sera jamais de régler des problèmes collectifs, mais de passer à travers en tant qu'individu. Parce qu'il faut rester pragmatique, réaliste, puis malheureusement, il y a des lois mécaniques qu'on ne pourra pas contrer. Par contre, par après, il va falloir quand même. C'est pas juste de régler des problèmes ou de passer à travers, mais c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver dans un monde où tout va rester à faire. Donc, c'est correct. Puis, je suis pas en opposition tant que ça avec ces choses-là, tout simplement, parce que j'y perdrais de l'énergie. Ce ne serait pas une gestion ergonomique de mon énergie. Donc, oui, des gens avec une certaine excentricité, un certain talent pour le divertissement, les mimiques et ainsi de suite. Oui, il va en avoir qui vont faire de la récupération, parce qu'il y aura des méchants puis des moqueurs, comme à la fin de chaque cycle. L'affaire, c'est que au niveau d'une gestion ergonomique de notre énergie, on n'a pas à en tenir compte. Donc, il y a des signes, des fois, superficiels auxquels je peux me fier, puis ça peut éviter. Ça peut éviter, comme par exemple, bon, je parlerai pas de la physiognomonie ou la façon de repérer certains signes au niveau d'un physique disgracieux qui me font montre de certaines choses plus subtiles. J'entrerai pas là-dedans parce que ce serait déplacé. Ce serait pas ajusté. Mais je peux vous dire que, ben franchement, ramenez-moi pas ce cas-là, là, parce que j'arrive pas à l'écouter de toute façon. Donc, sauf que voulez-vous, on a toutes nos limites, comme il y en a qui sont pas capables d'écouter du Wagner, dont moi. Bon, bonne journée.